Bon. Que vous ne sachiez pas si j'étais pour venir ou non. Comment tu le veux dire, là? Non, c'est pas ça que je te dis. J'ai hâte de moi. Comment tu? Autrement dit, la vibration, je l'ai créée assez juste pour que vous soyez pas sûr si j'étais pour venir ou non. Autrement dit, je pars de moi.